Chapitre 11. Le général de Mayo était assis dans le petit kiosque de bambou où Ico Teruca l'avait vu pour la première fois lorsque le célèbre détective le rejoignit. Ico Teruca, en quelques phrases, raconta au vieillard ses aventures de la nuit précédente. « C'était certainement mon fils qui était dans la cave de la maison de jeu, » fit le général de Mayo. Le pauvre garçon est en ce moment couché dans une chambre. On l'a retrouvé ce matin à l'aube, dans une ruelle du quartier chinois, endormi sur un tas d'immondices. Un agent de police, le prenant pour un vagabond, l'a conduit au poste, où le commissaire, heureusement, l'a reconnu et m'a prévenu. Venez le voir. » Sans mot dire, Ico Teruca suivit le général de Mayo et, à ses côtés, arriva dans une des chambres du premier étage. Il vit un homme paraissant une trentaine d'années, au visage maigre et hâve, qui, étendu sur un lit, semblait dormir. Des phrases incohérentes s'échappaient de ses lèvres sèches, et par moments, une grimace nerveuse tordait sa physionomie. Monsieur de Mayo ayant toussé, le dormeur se redressa, hagard, les yeux ronds, l'air épouvanté. « Oh, pas le scorpion, pas le scorpion !» gémit-il. « Pas le scorpion, pitié, pitié !» Ico Teruca, sans mot dire, le saisit par les épaules et le regarda dans les yeux. Le pauvre fou eut un frisson et voulut baisser la tête. Ico Teruca le força à se redresser et continua à le fixer. Presque aussitôt, le malheureux abaissa les paupières et se serait affaissé. Si le grand détective ne l'eût retenu, il le coucha doucement sur le lit et murmura « Je l'ai hypnotisé, il dort. » Et sans s'expliquer autrement, Ico Teruca se pencha sur le fou et entr'ouvrit la chemise dont il était revêtu. « Regardez, » dit-il au général de Mayo, « sous l'oreille gauche, ces 5 minuscules points bleus, 2 en haut et 3 en dessous. Ce sont les cicatrices de la piqûre du scorpion Racco, dont le venin rend fou. Vous comprenez pourquoi votre fils a crié il y a un instant. On l'a rendu fou et on l'a séquestré pour faire croire qu'il avait fui avec les piastres. Et quant à Afo, je suis persuadé que ce sont les bandits du scorpion qui l'ont étranglé et apporté chez votre fils. Ils avaient sans doute assisté à la discussion qui a eu lieu entre votre fils et Afo, et c'est ce qui leur a donné l'idée de faire croire que votre fils avait assassiné le tenancier de la maison de jeu. Quant aux piastres, elles sont loin. Mais si nous ne les retrouvons pas, du moins saurons-nous ce qu'elles sont devenues. Pour l'instant, je n'ai plus rien à faire ici. Je vais donc continuer ma... Le venin du scorpion, Racco, fit brusquement M. de Mayo, qui était très pâle. Je le connais. Il est mortel, d'habitude. Mais ne connaissez-vous pas un remède? Non. Je connais un antidote qui, si on le prend avant d'être mordu, vous préserve des effets du venin, mais une fois que le venin est dans vos veines, il n'a plus rien à faire, du moins à ma connaissance. Deux larmes jaillirent des yeux rougis du malheureux père. Mais tout espoir n'est pas perdu, se hâta d'ajouter Ico Teruca, pris de pitié. Il se peut très bien, puisque votre fils n'a pas été tué par le venin, qu'il finisse par retrouver la raison. Il y a des exemples. Ah, oh, puissiez-vous dire vrai, murmura le vieillard. « Ayez bon espoir, général, » conclut Ico Teruca, « et en attendant, je vais essayer de découvrir les coupables pour le venger et le réhabiliter. » Et le grand détective, ayant serré la main du général de Mayo, prit congé de lui. Quelques minutes plus tard, il rejoignait le comte de Almeida à l'hôtel du gouvernement. Il lui demanda aussitôt de faire exhumer le corps de Afo pour que les examens puissent en pratiquer l'autopsie. « Je suis persuadé, monsieur le gouverneur, dit-il, que Afo n'est pas mort étranglé, et que c'est le scorpion Racco qui l'a tué. »